بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Cinquième leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathiran amma ba'd. Tayyib. Mada aqadna fil dars al-madi. التعامل والتواصل. التعامل الشرعي ما هو؟ لا يعني كان سي كو التعامل ا avoir avec les kuffar à la base. Que les musulmans doivent avoir avec les kuffar à la base, c'est quoi? Le تعامل. C'est quoi les choses qui sont entre eux à la base? Jihad on a dit. Tu vois, comme ça là, ils disaient quoi? Des mu'amalat avec eux, pourquoi? Ou pour éviter leur mal quand ils n'étaient pas en position de force. Ou pour le djihad. Mais pas pour sympathiser, comme on disait. Al-Tawassul, pareil. Il est en contact avec eux, pourquoi? Pour obtenir des intérêts pour la Ummah. Pas pour sympathiser. Il y avait un but derrière. Et le but, c'est, comme on disait, préparer pour avancer. Pas mal? Non. Et aussi, comme je te dis, le tambi, là, c'est que c'est vrai, là, on parle dans l'audio. On dit ce qu'on dit. On parle comme on parle, je prends le ton que je prends, tu vois. Et c'est sûr que demain, un frère, s'il va parler avec un kafir, il va pas parler comme je parle maintenant dans le Dess. Tu vois, parce qu'il n'est pas en état de force. C'est faut dire la vérité. Quand tu es chez eux, tu n'es pas en état de force. Donc, ne te dis pas, tu viens et tu joues le chef sur lui. Ça va pas marcher. Tu joues pas le chef, mais tu fais pas l'esclave non plus. Ça veut dire, là, il faut être dans ta frite. Tu n'es pas en position de force. Mais tu ne montres pas non plus que tu te rabasses devant lui, tu le montres que tu es là, tu es ferme, cette position. Tu lui parles calmement, d'accord? Tu parles calmement, clairement, mais tu lui montres les choses comme elles sont. C'est pas que tu le provoques, tu vois? Tu parles avec lui, Bilati et Arsène, mais tu es ferme. Tu ne te rabasses pas devant lui. Et tu lui parles, tu lui fais comprendre les choses, tu emploies les meilleurs termes employés, hein? Sans non plus caresser son sens du poil, comme on l'a dit, pour arriver à ton but de faire comprendre que c'est un mécréant. Qu'il faut qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et que s'il fait pas ça, il va aller en enfer. Trouve les mots que tu veux, tant que ça amène pas un talbis, ou un kadhib, ou une mudahana, dis-lui, il faut qu'il comprenne. Et ça, bien entendu, pas avec les parents, ou les proches. Plus de défis qu'avec eux. Tes parents, ton père, ta mère, tu leur dis gentiment. Même les koufars, tu leur dis pas comme ça, tu vois, de but en blanc comme ça, tu leur balances au visage. Non. Tu leur fais comprendre. Ibrahim, il a dit quoi à son père? Il a abattu. Il dit où, cher père? Mais il le dit clairement. Tu vois, il le dit clairement. Tu viens, tu parles à ton père, tu parles à ta mère, tu leur fais comprendre. Et si jamais ils s'énervent, ils insultent, tu t'en vas. Tu vois, tu t'en vas. Avant de aussi t'énerver. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dur, mais quand tes parents parlent mal, t'as, tu vois, ce côté à vouloir répondre. Surtout quand ils aiment pas l'islam. Tu vois, c'est des paroles qui sont lourdes dans la poitrine. Et généralement, t'as tendance à vouloir rétorquer directement. Des fois, on oublie, c'est nos parents. Tu vois, Allah yarfou anna, combien de fois c'est arrivé, mais fais attention. Donc avec tes parents, tu vas pas parler avec ton père et ta mère, comme tu vas parler avec le boulanger en bas quand tu fais le darwa. Comme tu vas parler avec quelqu'un d'autre. Fais attention, les gens, tu les mets à leur place. Ton père, ta mère, tes frères, tes oncles, tes tantes, ceux à qui tu parles, et les autres. C'est pas les mêmes. Parce que les parents, même s'ils acceptent pas, faut que tu gardes les liens avec eux. Il faut pas qu'ils coupent les liens. Il faut pas que tu lui parles après ils te parlent plus, ils te jettent en l'air et ils veulent plus te parler. C'est en sorte de garder les liens avec lui. Mais le boulanger en bas là, tu prends ta baguette en bas là, tu lui fais un peu d'arwa, après n'aime pas ça. Qu'est-ce que t'en as fait? Il parle plus. Si tu veux plus me parler, c'est que ça va me faire à moi. C'est pas grave, tu prends un client, c'est tout. Tu prends un client, des boulangers, il y en a plein dans les rues, c'est pas ça qui manque. Au lieu d'aller là, bah, je vais aller là, bah, peut-être je marche un peu plus. C'est le même prix partout en général. Et voilà, tu dis, c'est toi qui perds un client. Hein? Et pire que tu perds un client, tu perds un moyen de rentrer au paradis. Encore pire que ça. C'est même pas un client, si tu perds, alors là il t'envoie quelqu'un pour te faire darwa. toi tu le jettes comme ça. Ah ben c'est tant mieux pour toi, mais en tout cas, Yom Kiyama, tu pourras pas dire que je n'ai pas reçu de messager. Le moussi de ton quartier, il est vu, il t'a parlé vite fait. Même s'il a parlé vite fait ou quoi, il t'a parlé. Ça devrait suffire normalement pour t'interpeller et te renseigner. Donc voilà. Taïeb. Aujourd'hui, la nouvelle choubouette de ce que ces gens disent, c'est ce qu'on appelle al-i'tidal wal-wasatiyya, c'est-à-dire d'être envers tous les humains. Quand ils appellent i'tidal, c'est pas genre le fait, i'tidal à la base c'est être juste, on va dire, tu vois, être juste. Ça à la base, n'am, mais leur cause, quand ils disent être juste, ça veut dire qu'on est presque, on est tous égaux. Le respect mutuel entre humains, entre fils d'Adam, alayhi salam. Et bien entendu, cette égalité entre musulmans et koufars n'existe pas. Nous ne sommes pas égaux. Même nous ne sommes pas frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Seuls les croyants sont des frères. Donc ils appellent à cela. Et être de juste milieu avec eux. Dans le sens, comme s'ils voulaient dire par là qu'on ne fait pas devancer les musulmans sur eux. On est tous pareils. On est tous pareils. En tant qu'être humain, nous sommes tous pareils. Et que l'islam appelle à cela. Pas de préférence. Ce qui est pour moi et pour toi. Dans le sens. Amen. Tayyib. Donc, hada, ce adl, comme eux le conçoivent, est complètement faux. Tayyib. Il est complètement faux. Et à la base, le adl, c'est le contraire du zulm. Al-adl, c'est le contraire du zulm. C'est la justice, c'est le contraire de l'injustice. La justice, c'est le contraire de l'injustice. Donc, on sait quelle est la plus grande injustice. Quelle est-elle ? Inna shirk la zulmun azim. C'est le shirk. Vous voyez, c'est le shirk. Comme a dit Ta'ala, كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui n'ont pas entaché, d'accord, leur foi par l'injustice, ceux-là sont, auront la sécurité, ceux-là sont les bien guidés. Et les Sahaba, ils ont été surpris de ce verset en disant, mais qui parmi nous n'a pas été injuste? Le Nabi Salam lui a expliqué quel zulm il voulait parler, quelle injustice il voulait parler. Alam taku tasma'u ilayka zak al-'abd as-salih, yani Luqman, iskola libnihi. قال إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Parce que Luqman dit à son fils, alors qu'il exhorte, oh mon fils, mon cher fils, n'associe rien à Allah, car certes l'association est une injustice énorme. Donc la plus grande injustice, c'est le shirk. Et dans le Coran souvent, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. C'est venu Oum al-Kafirun, Oum al-Zalimun, Oum al-Fasikun. Les trois versets. Ceux-là sont les mécréants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas jugé parce que Allah fait descendre. Ceux-là sont les injustes. Et ceux-là sont les pervers. Oum al-Zulm wa al-Zulm al-Akbar. Al-Shirk, al-Kuf. Ou al-Fisq, ou al-Fisq al-Akbar. Le fisq majeur, qui est du Kuf, kazalik. Donc, si le Zulm, c'est le shirk et qu'il est l'opposé du adl, donc l'adl akbar ça va être quoi? L'adl ça va être quoi? Le tawhid. Donc le adl pour le muslim, l'adl l'asli, c'est le tawhid. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour le tawhid. Hada wa l'adl, la justesse sur terre, c'est d'adorer Allah sans rien associer. Et c'est être juste. Car celui qui n'adore pas Allah, qu'est-ce qu'il est? Il est injuste. Ou celui qui adore et qui adore avec lui autre que lui, il est injuste. Donc quand ils disent on est tous égaux, on dit on n'est pas égaux. Je ne vais pas donner à quelqu'un qui n'adore pas Allah si je donne à quelqu'un qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Sûrement pas. Quand même. Donc le asl du message des envoyés, c'est le tawhid. Comme il dit Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un envoyé pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Wa qala Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler pas de divinité digne de t'adorer, si ce n'est moi, alors adorez-moi. Wal-aya al-kubra, wa ma kharatul jinna wal-insa illa liyabudun. Je n'ai pas créé les djinns et les hommes, ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Kadhalik, hinama ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu'adhan ila al-Yaman. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ila al-Yaman, qu'est-ce qu'il lui a dit dans le hadith? Comme on l'a pris, innaka la taqdumu wa la qawmin min al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Donc tu vas certes rejoindre, te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre, donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah dans l'adoration. D'ailleurs, ce hadith est une réfutation à ceux qui disent que le mot tawhid n'a pas d'origine dans les textes. Qala il an yuwahhidu Allah. Wahhidu, c'est quoi le masdar de wahada yuwahhidu? Tawhid. Alam tawhid. Donc tel est le adl à avoir avec eux. Tu veux juste être un kafir? Tu l'appelles au tawhid. Si tu l'appelles pas au tawhid, tu n'es pas juste avec lui. Pourquoi? Car tu ne l'as pas transmis la vérité. Toi tu l'as. D'accord, tu l'as toi la vérité. Et il t'a été ordonné de la propager, de la transmettre. T'as un kafir devant toi, il ne connaît pas. Ou s'il ne connaît pas, ou s'il connaît, il s'en est détourné, tu lui rappelles. Tu lui dis, tu l'appelles le tawhid. Ça c'est l'adl, ça c'est l'irtidal. D'accord, c'est l'irtidal. El haqiqi. Tu veux juste, envers un kafir, tu l'appelles le tawhid. Et si tu ne l'as pas fait, tu lui as caché, tu ne lui as pas dit, tu es un injuste. Parce qu'il se peut que demain, il se convertisse par exemple ce kafir, Allah le wafak de l'islam, par la cause de quelqu'un d'autre que toi. Toi tu ne peux pas parler. Il va dire, mais au fait toi, tu venais me voir avant de parler, jamais tu m'as dit qu'il fallait que j'adore Allah seul, sinon j'allais être en enfer, j'étais un mécréant. Tu ne me l'as jamais dit. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Et là, il te met mal. Combien on connaît de gens comme ça? Des petits jeunes, ils sont là, ils disent qu'ils sont des gens de l'islam, je sais pas quoi, ils traînent avec des koufars toute la journée à longueur de temps, à longueur de journée, ils leur disent rien du tout. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très crédibles s'ils parlent. Parce que leur islam, eux, c'est quoi? C'est du Hamas. C'est de la fougue seulement. Tu lui dis, ouais, mais arrête, ton islam, il est où? Tu vois? Ton tawhid, il est où? Tes salawat, elles sont où? Ta taqwa, elle est où? C'est où tout ça? Juste, tu t'appelles. Comme on dit, Kader, ça y est, ça suffit pour toi. Ben, le jour où il se convertit, ça va être une faute déjà sur toi. Il va dire, mais toi l'islam, j'ai rien vu de toi l'islam. J'ai rien vu de toi l'islam. Malheureusement. Ça va faire mal à l'autre, tu vois. C'est la vérité. Vous allez entraîner ensemble, à part certaines choses que tu faisais, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Pas de différence. Et dans ce cas-là, il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Ils ne font pas leur travail. Comment peuvent-ils le faire? Ils ne le connaissent même pas à la base. Malheureusement. Malheureusement. Ils sont plus intéressés par un match de foot que par le muhadara. Il est manakim Allah. Wa qalil mahum. Mais après, il se peut qu'à là, certains ils se réveillent au bout d'un moment, ils se repentissent, ils se mettent droit. Mais ils ne sont pas nombreux ceux-là. Ils ne sont pas nombreux malheureusement. Tayyib. Donc là, on a appris ce qui concerne l'adl. Donc l'adl, à la base, c'est le tawhid. C'est appliquer le tawhid. Ensuite, elle va sortir que nous soyons des gens du juste milieu. Nakoul, naam. C'est vrai. Elle umma al-islamiyya, hiya, comme a dit Ta'ala, wa ja'alnakum ummatan wasata, litakunu shuhada'a 'ala an-nas, wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, hein, pour que vous soyez témoins sur les gens. Et que le messager soit témoin sur vous. C'est-à-dire, en fait, c'est toi le marjia sur terre. C'est les musulmans. C'est eux le marjia sur terre. Tu veux savoir c'est quoi le juste milieu? C'est les gens d'islam. Tu vas le trouver. Pas chez les bouddhistes. Pas chez les chrétiens. pas chez les athées, pas chez les sioux, pas chez les apaches, pas chez les hindous. Tu vas le trouver chez les musulmans. Et qui plus est, quels musulmans? Tous? Pas tous. Pas tous. Ande el-sunna. Ande el-sunna. Parce que t'en as, il sert de ce verset-là aussi pour dire quoi? Que les musulmans, on est tous adl. Tant qu'on n'a pas un truc qui contredit cela. On dit non, c'est pas vrai. Qu'à la base, tout le monde est salafi. Mais ça se prouve le contraire. Et ça, de ce verset-là, pour dire qu'à la base, la Ummah, l'islam, c'est une Ummah de juste milieu. On dit Naam. Mais est-ce que, quand on dit la Ummah, ça veut dire quoi? C'est les gens margir de cette Ummah. C'est pas tous les Afrad de la Ummah. Mathalan, quand on dit, il y a Ijmar sur la Mas'ala. Unanimité de la Mas'ala. C'est qui, l'Ijmar? C'est tout le monde. C'est les ulama. Et c'est pas n'importe quel ulama non plus. Par exemple, demain, t'as un khilaf, on dit que. Mathalan, il y a un ijma sur le mas halal khufayn. Mathalan, qui c'est qui a khalaf cet ijma? Qui s'est opposé? Les chiites. Les chiites, ils sont considérés dans l'ijma pour toi? Leur khilaf, il les prend en considération? Non. Allez. Donc il reste quoi? C'est quand on dit ijma, c'est pas n'importe qui. Donc tu dis, il y a ijma el umma la hada. Il dit, moi je suis pas d'accord, il va te dire. Il va te dire, moi je suis pas d'accord. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles on va pas discuter. Quand même. Mais tu vas toujours trouver un, au moins un, qui va pas vouloir. Au minimum. Tu vois. Et ce un, il se peut qu'il soit sorti de l'islam, parce que c'est à quoi il s'oppose. C'est Jehouden ou je sais pas quoi. Donc aujourd'hui, on dit Al-Ummah, dans le sens large du terme. On dit quoi? Quand on dit Ummata Wasata, c'est les meilleurs de cette Ummah. Les marajis, cette Ummah, ceux qui connaissent la religion, les gens de la Sunna, les gens de science, c'est pas tout le monde qu'on prend en considération. Sûrement pas, sinon c'est le fort d'ordre, c'est fini. Même des fois, un seul yalhaq, yortabar Ummah. Comme encore le Ta'ala, Ibrahim, makana Ibrahim, inna Ibrahim makana Ummatan, qalitan lillah, hanifa, walam yakun mushtakin. À lui tout seul était une Ummah. Donc la Ummah, c'est pas forcément la masse que tu vois là. La Ummah, c'est le haq, celui qui le porte. Et des fois, ils peuvent être pas être nombreux sur la Mas'ala. Donc, ce istidlal avec ce verset, il n'est pas vrai. Pour dire qu'à la base, on est tous des gens d'adl. Est-ce qu'on a une chose qui s'oppose à cela? On dit non. La base, c'est que le muslim par excellence, Naam. Le muslim par excellence, il est adl. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est des muslims par excellence? Parce que la Ummah, là, dans son ensemble, la plupart, c'est des gens bien, déjà pas bien. Bila alaik. La plupart des musulmans aujourd'hui, c'est des gens bien, déjà pas bien. Hein? Quand je dis pas bien, c'est pas les koufars. De leur dîne, ils sont dans l'égarement. La plupart des musulmans aujourd'hui sont ignorants, ils sont dans l'égarement. On va dire le contraire. Tu veux une preuve? Va faire le hajj. Va faire le hajj. Comme il a dit Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala. Tu veux savoir le hajj de la Ummah? Va faire le hajj. Et tu verras des choses ajaïb. Tu vas voir compter combien qui vont faire un hajj sunnah. Compte combien il y en a. Moi j'ai jamais fait le hajj, on m'a raconté. Je dis ajaïb. Et ben tu vois le hajj de la Ummah, va faire le hajj. Combien ils sont dans le hajj? Des millions. Hein? Des millions. Regarde comment ils font le hajj, comment ils se comportent. Tu verras le hajj de la Ummah. Si la Ummah, masha'Allah, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la Ummah dans son ensemble, on est tous des gens bien. On n'est pas tous des gens bien. Mais les meilleurs gens sont dans cette Ummah. Naam. Donc ils sont la référence. Et c'est à eux qu'on se réfère. Pas la Ummah. La masse, là, l'ensemble des gens. Non. Ça veut dire, on se réfère aux gens de bien dans cette Ummah. Et eux, ils représentent quoi? Ils représentent le haq, le marji'a. Fil hadith, la tajtami ummati ala dalala. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tous les musulmans, hein, ça veut dire les gens de science. Demain, c'est pour ça que l'ijmar, c'est une hujja. Le ijmar, c'est une hujja par rapport à ce hadith. C'est demain, tous les savants sont d'accord sur un point. Khalas, c'est un dalil. Bien que à la base, cet ijmar, il a un dalil derrière. Maintenant, cet ijmar des ulama là, t'as pas des muslims qui vont pas être d'accord avec eux? Il y en a pas qui vont pas être d'accord avec eux? T'en as plus qui vont pas être d'accord avec eux? Est-ce qu'on va les écouter pour autant? On va pas les écouter. L'ijmar, on parle, c'est l'ijmar des gens mortabarin. Al-Ash'an, comme on le. Donc cette histoire de prendre ce verset pour dire que le muslim, on est adl. À la base, demain tu vois un muslim, tu lui fais confiance. Demain il y a un majhoul, c'est un muslim, il vient. un majhoul, c'est un inconnu, mais c'est un muslim, je sais que c'est un muslim. Je vais lui faire confiance, direct. Il me dit, tiens, prête-moi 50 000 euros. Tiens, prends-les. Tiens, prends-les. Tu plaisantes ou quoi? Je te connais pas, Harry. T'es un muslim, balakalofik, je pense pas du mal de toi, mais en bien non plus, je peux pas te dire que t'as confiance. Tu peux être un muslim, tu peux être un voleur. Tu peux être un escroc. Je sais pas moi qui tu es. Donc il veut te faire croire que si jamais tu lui donnes pas, c'est que quoi? Tu penses du mal de lui. Je fais non, je pense ni du bien ni de mal, je sais pas qui il est. Je sais pas qui il est. Tu vois ce que ça veut dire? Je sais pas qui il est. Je ne dis pas que c'est un voleur, mais je dis pas qu'il est honnête non plus. J'attends de voir qui il est. Ce que les gens disent de lui. Vous connaissez un tel? Non, mais comment il est? Il est comme ça, comme ça, comme ça, de confiance. Après, tu vois comment il est. S'il confiance, et même il est de confiance, 50 000 euros, c'est pas. Tu les prends pas comme ça, tu vois, si tu les as. Même il est honnête, tu dis, ah, 50 000 euros quand même, c'est une petite somme, tu vois, c'est pas 50 euros. Donc, quoi qu'il en soit, donc, faut que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent. Et t'en as, ce qu'ils veulent par là, c'est tendre sur le salafi, dire que nous, on doute de tout le monde, on suspecte tout le monde. Mais non, c'est pas ça. C'est pas, je suspecte, mais c'est pas non plus, je suis sous l'éloge, je ne le connais pas. Demain, je suis sous l'éloge, je serai un escroc si elle m'aimait pas comme ça. Je regarde un tel, c'est un frère, il est à la khayl, machallah, il est bien et tout, tu le connais, non? Il va dire, mais alors comment tu fais son éloge? Même un kafir, tu me dis ça. Même un kafir, il dit, mais c'est pas logique ce que tu me dis là. Tu fais l'éloge de quelqu'un que tu connais pas. Tu sais, des gens, franchement, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent par là? Prendre cette règle-là et en fait faire passer les vrais salafis, hein, pour des gens trop durs, sectaires. En islam, il y a un sectarisme légiféré, Hizbullah. Que tu aimes pour Allah et que tu désavoues pour Allah. On l'a pris dans le bara. Donc, Nam, sectarisme, je l'aime mon sectarisme. J'aime pour Allah et je déteste pour Allah. J'espère être parmi ces gens-là. Donc, est-ce que tout le monde rentre là-dedans? Je vais aimer tout le monde? Je ne vais pas aimer tout le monde. Et est-ce que je vais détester tout le monde? Non plus. Je vais aimer ceux qui aiment Allah, vraiment son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'un amour légiféré. Les autres, je vais fermer les portes direct. Toi, je t'aime pas. Ou je ne t'aime pas comme tu voudrais que je t'aime. Ainsi de suite. Donc le sectarisme, oui, il est là. Mais est-ce que c'est le sectarisme mazmoum? Allez, vas-y. Hizbullah. Il y a un hizb qui existe. Tu vois? Il y a un hizb qui existe et qui est mortaba. Donc attention au sectarisme, à bien le comprendre. Les gens disent, les salafis, vous êtes sectaires. Qu'est-ce que tu veux dire par sectaire? Si tu dis qu'on refuse les gens du faux, non, on est sectaire. Tu dis qu'on refuse les foudjars, les pervers, ouais, non, on est sectaire. Qu'on évite ceux qui font du mal, non, mon sectaire. Ah, maintenant, si tu dis qu'on refuse les gens de la vérité et que par exemple, on s'enferme juste sur un savant comme ça, la sunna et pas les autres, non, ça c'est pas vrai. Tous les savants de la sunna, on les aime. Tous. Là, si demain quelqu'un te dit, moi j'aime que chien un tel et pas un tel, alors que c'est tous des savants salafis, non, ça c'est mazmoum ça. Dis pourquoi tu l'aimes pas un tel? Il a fait quoi? Ça, c'est un savant salafi. Il a des erreurs peut-être dans tel domaine, mais à la base, jusqu'à présent, c'est un savant salafi. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu dois l'aimer. Tu peux peut-être préférer celui-là parce que celui-là il a plus de couwa. Peut-être tu vois, il a plus de sabet, c'est possible. Mais que tu dises, genre je n'aime que lui, je n'aime pas les autres, ça c'est mayajouz. Ça c'est mayajouz. Donc c'est pareil, donc ils veulent dire c'est la fin de sectaire, on dit, tu veux dire quoi pas sectaire? Si tu veux dire que je t'aime pas, toi parce que t'es un hizbi, non, je t'aime pas. C'est vrai, je t'aime pas. Ou toi parce que t'es un fasir, qu'on t'a fait comme t'as déjà, tu fais trop de péché, non, je ne t'aime pas pour tes péchés. Ou que toi ceci, cela. Ou que toi tu fais des choses pas bien? Non. Pour toi c'est sectarisme, alors je suis sectaire. Mais ce sectarisme là, il est légiféré, sache-le. En islam, on n'aime pas tout le monde. On l'a déjà dit, c'est pas tout le monde qui est beau et gentil. Même entre nous. Même entre nous, on n'aime pas tout le monde. Combien de hadiths sont venus pour attention, je la sais sous. Combien? Attention qui tu fréquentes. Même parmi les muslims, attention qui tu fréquentes. Donc tu vas choisir les gens ou pas que tu choisis. Donc t'es sectaire toi aussi alors. Pourquoi tu traînes avec Zayd? Tu ne pas avec Amr. On va dire que Zed, il est gentil, Amr, il ne l'est pas. Il est sectaire alors. Dire non. Je choisis. Ah ben moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. J'ai choisi mes ashab. Et j'ai choisi mon madhab, qui est le madhab de Al-Sunna wa Jama'a. Les autres madhab, je ne les accepte pas. Donc, je suis sectaire. Non. Mais sectaire, à l'al-haq. Sectaire pour Allah. Mais le mot sectaire, ce qu'il sait, il y a le mot secte dedans. C'est ça, en fait, le problème. Ça, c'est le mot secte. Le mot secte, à la base, en français, il n'est pas bon. À la base, c'est plus. Et je ne sais pas comment dire. Parce qu'à la base, hizb, c'est aussi parti. Un hizb, c'est un parti aussi. Mais quand on dit hizbi, souvent, c'est tenu par sectaire. Hein? Hizb, c'est un truc yani, moyenne, c'est une quantité moyenne d'un truc. Par exemple, quand tu mets un hizb du Coran, un nif juz par exemple, c'est une partie, c'est un morceau. Et quand on l'applique sur les gens, ça peut être un groupe, ça peut être une secte, ça peut être un parti. Par exemple, hizb siyasi, c'est un parti politique. Mathalan. Tu vois ce que ça veut dire? Donc ces gens-là qui appellent à ça, la parenthèse toujours par rapport à ces hizbi, pourquoi ils sont sectaires? Parce que des fois ils vont dire non, nombreux nous, plus nombreux que vous, c'est vous les sectaires. On dit non, vous êtes nombreux, mais sur quoi vous êtes nombreux? Vous êtes avec ceux qui sont avec vous, même sur le batil. Et vous êtes contre ceux qui sont contre vous, même si c'est sur le haq. Et ça, c'est le sectarisme mazmoum. Parce que tu vas voir des hizbi, vous dire moi j'aime un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, mais pas celui-là. Pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Non, moi c'est Zera. Parce qu'il a un minhaj, il va te vdah. Voilà pourquoi tu l'aimes pas. Il a un minhaj qui dévoile sur quoi tu es toi actuellement. C'est pourquoi tu l'aimes pas. Sinon, tu n'as pas d'erreur contre lui. Ou des erreurs que tu vas inventer. Donc là, toi, tu es un sectaire. Et le sectaire, c'est pas celui qui sont pas nombreux que sont nombreux. C'est pas l'ombre. C'est lié à l'idée. Les hizbi, ils sont plus nombreux que les salafis. Hein. Ils sont plus nombreux, les gens de la bid'a, que les gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils sont une minorité actuellement. Et parmi eux, les vraiment attachés à la sunna, qui l'appliquent vraiment, qui la comprennent bien, encore plus une minorité. Parce que t'en as plein aujourd'hui, salafi, sunni, mais salafia, tu te dis, ben, tu n'as pas compris la salafia, mon frère. Tu n'as pas compris la salafia, c'est quoi? Donc, pour te dire que ce sectarisme, que eux, comme ils l'ont décrit, ils vont te dire, t'es sectaire. Ils vont dire quoi? Nous, vous êtes 10, nous, on est 40, nous, on sait, tu vois. On a plus d'amour que vous, on est plus large. On dit, non, c'est pas ça. C'est juste que tu as trouvé plus des copains qui sont d'accord avec ton idée à toi. C'est tout. Mais la bid'a, même si 1000 la font, ça reste une bid'a quand même. Même si vous êtes 1000 à la faire, ça veut dire que pour autant vous êtes sur le haq. Moi je préfère qu'on soit 2 et pas une bid'a, qu'on soit 1 million sur une bid'a. Ça vous serez un hizb en faisant ça. Vous serez des hizbis en faisant ça. Parce que vous allez, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec votre bid'a, vous allez les rejeter. Ton sectarisme, c'est ça qu'il y a. Même si vous êtes nombreux, le sectarisme n'est pas lié à un nombre de personnes. Vous pouvez être 2. Et eux, ils sont sans, ça veut dire que tu es sectaire toi par rapport à eux. C'est toi, on va dire, tu es plus, tu répertories plus. Tu ne choisis pas n'importe qui. D'accord? Et eux, à partir du moment où tu fais même des erreurs, mais sur leur tout sur lequel ils aiment vraiment, tu es d'accord avec eux, ils vont être d'accord avec toi. Par exemple, un savant, qui va être critiqué, eux, ils l'aiment. Mathalène. Mais un vrai critique, et pas comme ils font que notre chien actuellement, là. Que genre, on est sectaire sur lui, on n'est pas sectaire sur lui. C'est un savant salafi, vous n'avez rien prouvé contre lui, on le défend. Si on était notre savant salafi quand on était critiqué, on l'a défendu peut-être moins parce que c'est pas notre chien à nous, on ne connaît pas vraiment l'affaire comme nous on l'a connu à Demmej. C'est sûr qu'en tant que tout l'aide, notre chien, on va l'aimer plus que les autres. C'est normal. Qui c'est qui a ramené le madhab Maliki au Maghreb le plus? Ibn Abdelbar. C'est-à-dire c'est un sectaire. Donc il a ramené le madhab qu'il a appris, c'est tout. Il a ramené ce qu'il a appris. Ben nous c'est pareil, on a appris à Demmej. C'est lui qu'on a appris tous les jours dans la site de banquier. Devant Chayahir. Donc c'est normal, c'est lui qu'on a appris. Donc il est normal qu'on propage ses paroles le plus, qu'on traduise ses paroles le plus, qu'on fasse des questions-réponses avec lui. Il est devant nous. Pourquoi tu veux j'aille jusque là-bas, j'en ai un devant moi de savant. C'est mon cher tous les jours. Justement, ce serait de l'ingratitude de faire ça. Il est devant moi, il me donne, je vois quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quoi, je ne fais pas confiance. Je fais confiance. Un savant, par exemple, critiqué. Tu veux un exemple? Ibn Jibril. Ibn Jibril, pur exemple, qui est un grand savant, qui est un savant de l'Ifta avant, le Jnaja Daïma. Il a viré Ikhwan. Il s'est pris des Roudoud. Parmi les plus forts, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, qui a démontré qu'il est devenu Ikhwani. Et bien les gens aujourd'hui, là, ils n'acceptent pas ce jar sur lui. Si tu passes sur Ibn Jibril, ils te démontent. Ça, c'est la Hizbiyya Mazmouma. Parce que lui, à la base, il a délaissé. Il a eu un grand parcours, naam. Il avait de la science, naam. Mais il a viré, à la fin. On va, quoi, jusqu'à la mort, on va le suivre. Il a viré, même si c'est à la fin de sa vie. Combien avant lui, ils ont viré? Ils ont fait un bon parcours, ils ont viré. Combien de moutadia, c'est les têtes dans la science. Adabinallah. Et bon. Donc, le sectarisme à blâmer, c'est celui-là. C'est tu t'allies et tu te désavoues pour une chose non légiférée. Elle m'a s'allier et se désavouer pour une chose légiférée, c'est ma Mahmoud ça. Et c'est ma Toub Shal'an. Naam. Donc le fait de dire que nous sommes communauté du juste milieu. Hein? Nous avons dit le verset. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Donc le hadith qui est venu pour expliquer justement que les musulmans sont les gens, sont l'umma al-wasta, l'umma al-qiyama. C'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radhi anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَهُ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّي فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ تمام هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ شَهُودُكَ يعني النوح فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عدلا خيارا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc il a dit quoi le hadith? Que Nuh sera appelé Yom al-Qiyama. Il sera dit, as-tu transmis le message? Il dira Naam. Il sera interrogé, sa communauté sera interrogée. Est-ce que le message, vous êtes venu, vous dire aucun avertisseur ne nous est venu. Vous mentir. Donc il s'est demandé à Nour, qui témoigne de toi, que tu es transmis le message. Et dira à Mohamed et sa communauté. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et sa communauté. Comment cela? Comment on va témoigner pour lui, nous? C'est quoi notre preuve? Le Coran. Dans le Coran, c'est soit cité. La Hujja, c'est le Coran. Même une sourate Nour qui est venue. Donc nous serons témoins. Nous témoignerons. Mais là, il y a un c'est tous ceux qui ont le Coran qui seront témoins. D'accord? Maintenant, le Nabi sallam connaît Adla wa Khiyaran, de juste et de bon. Ensuite, il a lu le verset. Dans le sens où il dit, et c'est de cette façon que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Après, il a dit, c'est-à-dire juste, hein, et bienfaisante, il a dit les meilleurs. Après, il a lu la parole dans le sens où il dit, afin que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. Donc là, c'est une shahada amma yom al-qiyama. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre ce verset pour dire qu'aujourd'hui, là, alors qu'il est, les musulmans dans leur ensemble sont des gens justes? Non. La Ummah est décrite comme étant juste. La Ummah. Référence à qui? Au genre de bien dedans. Dès que le muslim est meilleur que le kafir, il n'y a pas photo. Mais est-ce que tous les muslims, c'est des adl? Non. Combien ils mentent? Combien ils volent? Combien ils escroquent? Combien ils tuent leurs frères? Hein? Combien font des péchés à longueur de journée? On en fait tous, mais je veux dire, des péchés ouvertement, avec perversion, qu'ils rejettent le conseil. Combien? La plupart ils font ça. Non. Tu as été créé à la base pour être bien. Le musulman par excellence, non, c'est le salafi. Le musulman par excellence, c'est le salafi. Est-ce que aujourd'hui tout le monde est musulman par excellence? Même chez les salafis, Harry. C'est pas tout salafi qui est salafi par excellence. Même chez les salafis, t'as des menteurs, Harry. C'est un salafi, il ment. T'es un salafi, l'escroc. T'es un salafi, il fait tel et tel péché. Ouvertement. T'es un salafi, je sais pas moi, ça se trouve, il est injuste. D'accord? Chez les salafis même, alors que dire des autres? Tout comme des fois, tu peux avoir un ami, c'est vrai, qui est plus véridique qu'un salafi. Tu peux peut-être trouver un moutadir qui ne mentira pas comme pour mentir à certains salafis. Tu peux en trouver. T'as des imams dans le genre du hadith, même Bukhari ou autre, qui rapportent des gens de la bidara. Certains, pourquoi est-ce qu'ils ne mentaient pas? Et certains gens de la sunna ont été délaissés. Quoi? Kadhab. Tu vas trouver chez les gens de la sunna. C'est un sunni, c'est un kadhab. Donc pour te dire, même dans la salafia, il faut faire un filtre. Alors que dire de la Ummah dans son ensemble? C'est pas tout salafi qui débarque. Ahlan wa sahlan. Qui tu es? T'es un salafi tayyib. Mais maintenant, c'est quoi ton comportement? Les femmes vont dire, lui, je le connais, c'est un salafi, mashallah, tayyib. Mais est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est véridique? Il peut être salafi, il a un bon manhaj, il a une bonne akhida et tout, mais est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il a un bon comportement? Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à lui tout ça. Mais que à la base, un bon menhej t'amène à un bon comportement à la base. T'as une taqwa, tu vois. Mais comme il n'est pas très savant, il n'a pas la taqwa d'un alim. Innama yashallah min ibadihi l'ulama. Mais lui, c'est pas un alim. Il n'a pas cette rachia qui l'empêche de faire des péchés. Naam. Tu sais, il a des shahawat fortes. Il aime les femmes, par exemple. Il ne baisse pas le regard dans la rue. Ma felaine. Aimt. Ou, je sais pas moi, il y a des trucs qui fait qui sont pas bons. Pourtant, c'est un salafi. C'est sa référence sur les savants de la salafia. Et ses fréquentations sont les salafis. Mais il fait des choses pas bien. Comme des sœurs, c'est des salafiates, mais elles ont un sale adab. On va dire, bah tiens, celle-là, là, tu cherches une salafia? Naam. Bah tiens, regarde, il y a celle-là, ma voisine, c'est une salafia. Moi, crash. T'as vu? Dans la rue. Elle parle fort, elle rigole fort. Elle marche au milieu des hommes, mais c'est une salafia. Tu veux te marier avec elle? Ah non, elle va dire. Je ne veux pas être comme ça. Donc, c'est pas tout salafi qui est bien, alors, non plus. Donc, comment dire la Oumma dans son ensemble? Bon, c'est vrai que crash avec son jilbeb, c'est une salafia. Mais en dessous, c'est une Allah Moustahan. Donc, demain, t'es avec une femme, tu l'aimes et tout. C'est la sale adab. Toi, tu patientes sur elle, c'est sûr. Tu patientes autant que tu peux. Mais au bout d'un moment, où ça va? Soit elle va changer, elle va s'améliorer. Tu vas patienter sur elle. Soit tu vas la divorcer. Ou soit tu vas virer de son côté. C'est toi qui deviens bizarre. Donc elle va te nuire. Si elle change pas, elle va te nuire. Akid, elle va te nuire. Une femme sans pudeur, Harry. Donc elle a très peu de pudeur. À la colline. Donc. On a compris ce que voulait dire par le terme de wasata, une communauté du juste milieu. Donc le juste milieu, c'est quoi? C'est témoigner yawm al-qiyama du haq. Et non pas mettre les koufars à un même piédestal avec nous. Yawm al-qiyama, les musulmans seront les témoins sur les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Coran avec eux. Et le Coran, Kalamullah, qui aura abrogé tout livre antérieur, qui témoignera des messagers envoyés auparavant et qu'ils ont bien transmis le message à leur peuple. Et que sur terre, à la base, ce adl et cet insaf, tu le trouveras chez qui? Chez le musulman. Mais est-ce que tu vas trouver chez tous les musulmans? Non. Mais si tu trouves chez quelqu'un, c'est chez le musulman. Akid. D'accord? Le adl, tu le cherches? Le adl, le shanaï, tu le cherches? Tu le trouves chez qui? Chez le plus? Chez les musulmans. Cela veut dire que tu vas trouver chez tous les musulmans? Non. Non, tu ne vas pas trouver chez tous les musulmans. Regarde, qui c'est qui était adl, par exemple? Najashi. T'as un kafir, il était adl. Il s'est passé quoi? Il s'est converti à l'islam. Donc celui qui est kafir, qui est adl, par rapport à son kouf, le jour où il y a les musulmans, les bons, il sera attiré. Quand le Nabi sallam, khiyal koum fil islam, khiyal koum fil jahiliya, il défaque en vous. Les meilleurs entre vous dans cette communauté en islam, sont qui étaient les meilleurs avant l'islam, s'ils apprennent. Donc ce bien que ce kafir est là en lui, en cette dunya, s'il est sincère, va aller le pousser justement à rentrer quoi en islam. Il verra que ses valeurs qu'il a en lui, elles sont bonnes. Il a toujours appris, voir que c'est des bonnes valeurs. Tu le trouveras chez qui? Chez les musulmans. Mais parmi les meilleurs des musulmans, pas tous, bien entendu. Ou alors, si tu trouves pas des musulmans, dans les livres, tu vas les trouver. Tu vas lire des hadiths, par exemple, l'histoire de Sahaba, des salafs, tu vas dire, ah, voilà, ça c'est des valeurs humaines, des vrais. Ils ne volent pas, ils ne font pas cela. C'est qui ces gens, les musulmans? On va dire, mais ceux qui ont tourné moi, ce n'est pas comme ça. Cherche, tu vas trouver les gens qui les suivent, eux. Les salafis. Et même si aujourd'hui les salafis ne sont pas forcément comme à 100%, ils les suivent. Et ce sont les plus proches. Et on le dit, Al-Sunnah, hum akrab et tawahif, il est le haq. Les gens de la Sunnah sont les gens les plus proches de la vérité. Naam, on le dit. Nataqedo. Ça veut dire quoi les plus proches? Qui sont sur la vérité. Quand je dis par exemple, Al-Tahir akrab, il est samin, min al-namla. Que l'oiseau est plus proche du ciel que la fourmi. Il est où l'oiseau? Et la namla, elle est où? Ah oui, ça veut dire que l'oiseau, il est pas dans le ciel, il est dans le ciel. Quand on dit akrab, c'est un usub arabi, dans le kalam. Car le superlatif veut dire ça. que tu aies une chose chez un que tu n'as pas chez l'autre. C'était une parenthèse, le Raouya. Même. Donc aujourd'hui, on a pris quoi ? Ce qui voulait dire par le sens d'être juste et le juste milieu. Que veux-tu dire en religion ? Être juste, c'est le tawhid, ça s'appelle le tawhid. C'est ça, être juste. Le juste milieu, c'est qu'on sera des témoins, nommés la Qiyama, sur les gens dans le monde. Même dans ce bas monde, avec le Coran, on témoigne parce qu'on a le haq avec nous. Et ça, c'est le juste milieu. On n'est pas comme ceux qui ont exagéré, ni comme ceux qui ont négligé. On est le juste milieu. Mais qui ont ? La Umma. Et que veut dire la Umma ? Les gens de référence dans cette Umma. Pas tous. Pas chaque individu de la Umma. Pas chaque individu de la Umma. Et on dira même les sens de la Umma, et ceux-là sont les moins nombreux. Déjà, leur tête, c'est qui ? C'est les savants. Les savants sont les gens les moins nombreux de la Terre. Les savants sont les gens les moins nombreux de la Terre. C'est eux, Zubdat al-Umma. Ensuite, Salafi. Les gens de la Sunna. Et même parmi les salafis, attention, certains sont à mettre de côté un petit peu. Pour leur akhlaq, leur comportement, genre de choses. Voilà. Donc quand on dit Umma, on prend le mot Umma. Qu'est-ce que tu veux dire par Umma ? Ça dépend ce que tu veux dire. La Umma de l'islam, le mot Umma de l'islam, c'est la meilleure des Umma. Naam. Qui est venue. Comme le Ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'una 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Vous emmenez le convenable et vous interdisez le blâmable. Vous croyez en Allah. Est-ce que maintenant dans la Ummah, tout le monde interdit le blâmable et interdit le convenable ? Alors la mille est off-off. Est-ce que tout le monde a ça dans la Ummah aujourd'hui ? C'est le contraire, il y en a plein aujourd'hui. Ils appellent au mal, ils interdisent le bien. La plupart d'entre eux. Donc on va dire que ces gens-là, là, c'est eux que la Ummah représente. Et on représente la Ummah en, on dit au sens propre du terme. Non. Ils en font partie, mais c'est pas eux qui sont les plus représentatifs, comme on dit. Mais ils en font partie. On est capable pour ça. Mais demain, on va dire, je vais te ramener un musulman qui va t'apprendre l'islam. Tu vas ramener qui ? Tu vas ramener un salafi. D'abord, un alim, tu vas ramener. Un alim. Vous voyez ? Ou au pire, un salafi moustakim. Zou akhlaq jamila. Tu parles de n'importe qui. Donc bien comprendre entre wasf am, une description générale qui englobe une image générale, c'est-à-dire la umma, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? L'ensemble des gens de l'islam. Maintenant, est-ce que lorsqu'on dit umma que tous les gens de l'islam sont comme cela ? Non. Ils ne sont pas tous comme cela. D'accord ? Mais c'est dans cette umma que tu as trouvé ces gens-là. Donc, on l'applique sur la umma. فنكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمّاج أفاق.com